Chapitre 8e. Revenons à Jean et à Joey. Après l'émotionnante découverte du monogramme, les deux amis sont repris par la faim. Heureusement, le remède est là, l'aspect très appétissant du dindon sauvage. 15 livres de victuailles. Plumer ce gibier géant, c'est trop long. Séance tenante, Joey se met à le dépouiller avec l'habileté professionnelle d'un naturaliste. Pendant ce temps, Jean prépare et allume le feu. L'endroit abonde en beaux arbres de la famille des Lorinés. Il y a là quantité de canneliers, de camphriers, de benjoins, de lauriers, de nectandres, de sassafras et d'eucotés, tous chargés de principes résineux dont l'odeur violente sature l'atmosphère. Ces bois, même verts et chargés de sève, brûlent mieux que le pain lui-même. Il y a surtout l'eucoté qui se consume lentement, comme une torche avec une belle flamme, au point que là-bas, on l'utilise volontiers pour l'éclairage. Pour son brasier, Jean donne la préférence au laurier. Il sabre à la volée des branches, les entasse, les allume et met de côté quelques baguettes bien fines et bien droites. Joey coupe dans le devant du dindon de larges tranches en forme de beefsteak, les saupondre de sel après les avoir frottées de piment et les embroche aux baguettes. Tous deux présentent leur rôti à la flamme odorante et attendent patiemment la cuisson. La chair fine et succulente fume, grésille, pétille et laisse échapper des gouttelettes roses. Le rôti est à point. « Caraille !» s'écrie Joey. « L'eau m'en vient à la bouche. Pas le temps de cuire un brin de pâte, hein, n'est-ce pas, frère ?» Jean taillade la chair rosée, pique au bout de son couteau de vaste bouchée et répond la bouche pleine. « Avec un tel rôti, on déjeune bien sans farine. »« Je te crois. Avec seulement un beefsteak de 3 livres et quelques gorgées d'eau fraîche, je me charge d'attendre patiemment le dîner. »« Savons-nous quand et comment nous dînerons ?» Et par cœur, s'il le faut. À tout hasard, néanmoins, je mets de côté 2 tranches de feuille dindon. Il y a un silence coupé par un bruit de mâchoire. Cela dure 5 minutes. Le rôti est escamoté. Déjeuner, après, cuisson et absorption, cela n'a pas demandé 1/2 heure. Bien restaurés, les deux amis sont pris d'une hâte fiévreuse. Ils sellent vivement leurs chevaux et s'en vont à pied pour continuer plus facilement leurs recherches. Bob et le Mustang suivent pas à pas, la bride sur le cou, en brave bête, intelligente et fidèle. Jean a pris la sage précaution de mesurer la hauteur exacte du monogramme au-dessus du sol. Elle correspond à la longueur de sa carabine. « Pourquoi ?» lui demanda brièvement Joey. « Je songe à ce que j'aurais fait à la place de mon pauvre père quand il gravait ses signes indicateurs. Eh bien, je les aurais placés à une même hauteur. Cela pour faciliter plus tard les recherches, au cas où la croissance des arbres ou des buissons les aurait cachés. Excellente idée. » Oui, de tout point, excellente. Les deux amis, au prix de fatigue et de peines inouïes, suivent la paroi rocheuse. Ils parcourent à peu près 1 kilomètre, l'œil fixé à 1 mètre environ au-dessus du sol. « Voici encore les lettres, » s'écrie Jean triomphant. « Tu vois ? » ?»« C'est merveilleux. Le chiffre est bien à la même hauteur que l'autre. Caramba ! Nous en aurions eu pour une bonne semaine à reluquer du haut en bas la roche. 1000 ou 1200 mètres plus loin, une faille, une coupure à pic dans le basalte, leur barre le chemin, 8 à 9 mètres de large, 15 de profondeur, et en bas, un torrent qui gronde et se brise en écumant sur la paroi. « Il faut passer. Et comment ?» demande encore Joey. « C'est la moindre des choses, » répond Jean. « Sabre 1/2 douzaine de gros bambous. Réunis-les en faisceau. Branches et feuilles. Jette le tout au-dessus du torrent. Cela fera un pont et nous le franchirons à califourchon. Pendant ce temps, je continue les recherches. » Il suit alors pas à pas la berge rocheuse, pousse du pied les cassures, arrache les plaques de mousse verte, regarde, furette et déblaye ainsi 20 mètres. Un cri de joie lui échappe. Pour la 3e fois, il trouve le monogramme. Cette fois, il est imprimé à plat, comme pour une invitation à passer le torrent. Il revient à Joey qui achève la confection du pont volant et lui dit d'une voix brève qui tremble « Frère, tu sais, après une déveine inlassable, la chance nous poursuit. Il faut en profiter. Décèle et débride les chevaux. Ils nous attendront en liberté. Moi, je ne tiens plus en place. J'ai du salpêtre dans les veines. Je pars. Quelque chose d'irrésistible me pousse en avant. Tu me suivras aussitôt près, avec ton lasso. Tu amèneras sur l'autre bord tout notre fourniment. C'est compris ? « Bon, en route !» À ces mots, il saisit les bambous, les allonge au-dessus de l'abîme et les enserre entre ses jambes. Le frêle et grossi appareil plie, se courbe et craque. Des poignets, des cuisses, Jean progresse vivement et prend pied sur la rive opposée. Il se relève sans mot dire et détale pendant que Joey, qui n'a pas trouvé une parole à placer, regarde Jean ébahi, croyant son ami frappé de folie. Il va à travers les éboulis, les plantes épineuses qui surgissent des pierrailles, les buissons qui l'arrêtent, les arbres qui de loin en loin émergent, rabougris. Il ne voit plus apparaître le monogramme. Sans doute lui a-t-il échappé. Mais il n'en avance que plus vite, certain de faire avant peu une découverte capitale. La solitude devient de plus en plus affreuse. Autour de lui, tout est silencieux, aride, calciné. À peine si de temps en temps sa marche saccadée fait fuir un lézard égaré ou un insecte. Seuls quelques vautours noirs, zopilotes, décrivent là-bas, à perte de vue dans le ciel de plomb, leur cercle incessant. Brusquement, tout change, et la configuration des terrains et de la montagne se modifie encore une fois. La végétation reparaît, mettant une tache de verdure sur ce panorama désolé. La montagne forme une muraille à pic, haute, luisante, inaccessible. En même temps, un bruit lointain de cascade frappe l'oreille du jeune homme. Un cri jaillit de ses lèvres. Stupéfait et plus encore joyeux, Jean aperçoit dans la muraille une ouverture quadrangulaire mesurant environ 1,50 m/70. Il s'arrête et murmure « Voilà un travail de main d'homme. Qu'est-ce que c'est ? Une porte ? Une fenêtre ? L'entrée d'une grotte naturelle ou artificielle ? Je ne sais, mais j'approche du but. » Cela, je le sens à mon émotion qui grandit, à quelque chose d'inexprimable, qui m'agite, me transporte, m'exalte. Comme la cavité est située à 6 mètres au moins du sol, son élévation la rend pour le moment inaccessible. Jean hoche la tête et ajoute « Nous verrons cela plus tard », en grimpant avec une échelle de bambou. Il cherche attentivement pendant quelques minutes, ne trouve rien autre chose, repart, fait 100 mètres, et tombe en arrêt devant une nouvelle fenêtre située à la même hauteur. Elle ne diffère en rien de la première, mais au-dessous, il y a le monogramme, à peine visible et cependant reconnaissable pour quelqu'un d'averti. Serait-ce là ? Se demande Jean, dont le cœur bat d'une façon désordonnée. Il regarde sur sa droite, et dans la perspective de cette muraille basaltique, d'autres ouvertures apparaissent et semblent se succéder à l'infini. Jean fait une 50aine de pas en courant, et reste saisi devant l'étrange spectacle qui s'offre à ses yeux. Sur un espace de plus de 200 mètres, la paroi sombre est criblée d'ouvertures rectangulaires qui se succèdent à l'infini, régulièrement, par lignes superposées formant des étages. Il y a par endroits 2, 3 et même 4 de ces étages, dont le plus bas est à 7 ou 8 mètres de terre, et le plus élevé à 14 ou 15 mètres. C'est une sorte de cité aérienne, déserte, silencieuse, où l'on ne peut accéder qu'au moyen d'échelles extérieures. Chose visible, de prime abord, par la configuration des fenêtres. Quelques-unes sont en effet pourvues d'un petit palier sur lequel doit s'appliquer, d'étage en étage, l'échelle que l'on retire du palier inférieur pour la replacer au palier supérieur. Et Jean, dont l'étonnement grandit, songe à part lui. N'est-ce point là ce nid de l'aigle, cette demeure introuvable et inaccessible dont parle la vieille légende ? Oui, je le sens, je le crois. C'est là que menacé, pillé, traqués par le conquérant avide et cruel, les derniers souverains du Mexique ont caché leur trésor. Et ni les supplices ni la mort n'ont pu leur arracher le secret, farouchement gardé du lieu où gisait ce fantastique amas de richesses. Et ce qui avait échappé pendant des années à l'âpreté des Espagnols, ce qui avait déçu pendant des siècles les convoitises acharnées des aventuriers des deux mondes, tu l'as trouvé, toi, ô mon père bien-aimé. Le bruit de cascade grandit. Jean s'avance pour découvrir d'où il provient. À peu près au milieu de l'étrange cité aérienne, il trouve une sorte d'ogive très basse qui troue le roc au ras du sol. Au fond de ce soupirail, il entend une colonne d'eau rouler de l'intérieur, clapoter là, tout près, sous ses pieds, et disparaître en grondant sous la terre. Une voix joyeuse le fait sursauter. Joey la rejoint. « Eh bien, frère, en voilà du nouveau !» dit le métis. « Je suis confondu. » De toutes ces étrangetés, il me semble être le jouet d'un rêve. Hein ? Nous croyons pourtant bien connaître à fond notre Bolson. Et pourtant nous ignorions cette cité déserte, dont les Indiens eux-mêmes ne nous ont jamais parlé. De son œil fureteur, il inventorie minutieusement la façade et ajoute « Plus de doute, c'est là le nid de l'aigle. Il ne nous manque plus qu'une indication pour faciliter nos recherches, car ces étages sont isolés les uns des autres. Joyeusement, il saute sur place et s'écrie « Hé, caramba ! L'indication, la voici, toujours à longueur de carabine. » Et là-haut, la vois-tu là-haut, énorme et renversée ? Interrompt Jean, dont l'émotion grandit encore. Juste au-dessus du monogramme découvert par son frère de lait, Jean vient d'apercevoir, surmontant une fenêtre du second étage, les deux lettres. Elles sont, comme il vient de le dire, renversées et offrent la disposition AB. Et l'intention de celui qui les a gravées se manifeste par les dimensions qu'il leur a données et la façon dont la barre transversale du A est accentuée. Jean remarque tout cela d'un clin d'œil et s'écrie « Plus de doute, c'est là. Oui, c'est là qu'il faut grimper, entrer et chercher. Pour ceux qui sont prévenus, il n'y a pas d'erreur possible, n'est-ce pas, frère ?»« C'est mon avis. Commençons donc par construire une échelle solide et légère avec du bambou. » Cette graminée géante abonde en certains points du Bolson. Partout où l'eau affleure le sol, on est certain de trouver de magnifiques pieds de bambou. Il en est qui atteignent une grosseur énorme et une hauteur incroyable. Les deux amis font choix de leurs beaux sujets, les abattent vivement, les coupent à 8 mètres environ et façonnent des échelons avec les tiges les plus minces. Ces échelons sont ligaturés des deux bouts au montant avec les jeunes brindilles, aussi souples et aussi résistantes que l'osier. Ce travail leur prend environ 2 heures. Ils font ensuite une bonne provision de bois d'eau côté pour s'éclairer au cas où l'obscurité serait en certains endroits complète. Sans effort, Jean dresse l'échelle et s'apprête à monter. Une réflexion lui vient. « Dis donc, frère, dans notre précipitation un peu folle, nous avons négligé une chose importante. Oui, je sais, nos traces, que nous n'avons point effacées, les brindilles de bambou, les copeaux, les feuilles que nous n'avons point fait disparaître. Mais cela nous aurait pris un temps infini, et l'impatience nous dévore. Cependant, plus j'y songe et plus je trouve notre conduite imprudente. Eh, caramba! Il ne passe point ici quelqu'un tous les 10 ans, qui sait même si un pied humain s'est posé là depuis la découverte de ton père. C'est bien le diable, s'il survient quelqu'un pendant que nous allons fouiller de fond en comble le nid de l'aigle. Allons, le sort en est jeté, dit Jean. Il se hisse avec une légèreté sans pareille sur l'échelle et atteint la première plateforme. Joey, chargé d'un petit fagot de bois de côté, le suit aussitôt. Arrivé au palier, il tire à lui l'échelle, la hisse et la dresse de nouveau. Ils montent l'un après l'autre et parviennent à la fenêtre que surmonte le monogramme renversé. Les voilà dans une petite pièce carrée, exiguë, véritable cage de pierre, d'où s'envole un essaim de chauve-souris. À ce premier compartiment en succède un second, puis un troisième et un quatrième, et ces cavités régulières communiquent entre elles par une ouverture carrée juste suffisante au passage d'un homme. Certaines en ont deux, l'une qui relie ensemble plusieurs chambres de la façade, l'autre qui correspond à des pièces orientées perpendiculairement à cette façade et se prolonge à travers la masse de la Sierra. C'est une caverne immense, creusée de main d'homme et aménagée en cellules innombrables, dont la réunion forme une véritable cité de troglodytes. Jean tire de son sac à feu le briquet indien, des filaments de bambou, les enflamme et allume une branche de côté. À la lueur très claire de cette torche primitive, ils avancent au hasard, de cellule en cellule, s'enfoncent dans la montagne et ne trouvent rien. « Voilà qui est étrange, » dit le jeune homme déconcerté. « Toutes ces chambrettes se ressemblent. Rien ne peut guider nos recherches. Pas un signe, pas une trace. Moi, je m'attendais à retrouver de place en place les lettres. » Jean réfléchit un moment et s'écrie « Mais j'y pense. Le plan dont parlait Mamita, ces lignes tracées par mon père avec du sang sur un mouchoir, et que l'assassin lui vola. » Plus de doute, ce plan devait indiquer la marche à suivre à travers ces centaines de pièces, et aussi l'emplacement du trésor. Mille tonnerres! Allons-nous échouer misérablement au but, errer comme des âmes en peine, frôler 10 fois, 50 fois ce trésor fabuleux, et nous en aller désespérer avec la rage de nos illusions perdues? Il faudrait éventrer la montagne, travailler des mois entiers, et le temps, les jours, les heures nous talonnent. Comme il achève ces mots, un grognement se fait entendre, là, tout près, accompagné d'une marche rapide. Furieux, il s'écrie en agitant sa torche. « C'est un peu fort, nous ne sommes pas seuls. Au Moubette, je saurai ce que c'est. » Il se précipite, mais Joey l'a devancé. on risque de s'assommer aux parois de pierre ou de rouler dans un abîme. Il part, guidé par une odeur de fauve qui devient de plus en plus violente. Quelques minutes s'écoulent et la voix de Joey s'élève, lointaine, un peu étouffée mais joyeuse. « Vite, bien vite, j'ai fait un prisonnier !» Jean accourt et trouve le métis accroupi dans un coin et tirant à pleine force sur un objet dont il ne peut tout d'abord préciser la nature. Devant lui se dresse une paroi à pic. Cette chambre est la dernière et n'a plus d'autre ouverture que celle de l'entrée. Et malgré la gravité des circonstances, un éclat de rire lui échappe. Cette odeur familière, il la reconnaît, c'est celle du raton. L'objet sur lequel s'arc-boute Joey, c'est la queue de ce plantigrade, qui doit être énorme en jugé par les dimensions de l'appendice. Toute la partie antérieure de l'animal disparaît dans un trou rond en forme de terrier. De sa main libre, Jean saisit une patte et tire à son tour. Le raton, qui s'agrippe des pieds de devant, n'est plus de force. Grognant, soufflant, éternuant, il se laisse aller, n'en pouvant mais. Très adroitement, Jean lui met le pied sur la nuque pour éviter ses dents redoutables, pendant que Joey lui brise les reins d'un coup furieux porté avec le dos de son machette. « Ainsi, dit Jean avec amertume, c'est pour capturer cette bête puante que nous nous exterminons depuis des semaines, que nous courons le désert, que nous endurons péril et fatigue, et que... Ah mon Dieu, Joe, frère, est-ce que je deviens fou? Tiens, regarde, mais regarde donc !» De saisissement, la torche lui échappe, tombe tout près du raton et grille une partie de sa fourrure. Joey, les yeux écarquillés, la bouche béante, pousse un hurlement et se met à sauter sur place en agitant les bras comme si un vent de folie lui traversait la cervelle. Puis il crie d'une voix étranglée « De l'or, c'est de l'or! Ce raton est le gardien, le génie du trésor, car il est là, là, là! Et tralala, là, ce trésor qui me fait perdre la tête !»« Voyons, frère, tu n'es pas fou. Moi, je suis fou, fou allié devant cet or, mais regarde-le donc, tâte-le donc. Moi, eh bien, j'en mangerai. » D'un énergique effort de volonté, Jean se ressaisit. La torche qui éclaire le raton montre ses griffes, les poils de ses pattes et de son poitrail saupoudrés d'une matière jaune, un peu terne, bien reconnaissable pour l'œil exercé d'ancien mineur. En outre, l'animal en s'arc-boutant a ouvert la gueule, et sa langue, ses dents, ses joues sont constellées d'or mêlées à l'écume. Pendant que le métis gigote éperdument et traduit sa joie par des mouvements désordonnés, Jean se couche sur le sol, allonge le bras et réussit à s'engager jusqu'aux épaules dans la bouche du terrier. Sa main rencontre une matière grenue, mêlée de poussière. Il serre les doigts et ramène une pleine poignée de cette matière. Il ramasse la torche, l'approche du métal et dit « Oui, c'est bien de l'or. Le plus pur que jamais d'aigueur est extrait d'un filon. L'entrée de ce terrier en est tapissée. « Je te crois, » dit Joey qui reprend peu à peu son sang-froid. « Ta main, la manche de ta chemise jusqu'au coude sont constellées de cette poudre divine. Si tu pouvais entrer dans le terrier du raton, tu en sortirais doré sur toutes les coutures, une statue d'or. » Certainement ce terrier débouche dans une cachette bourrée d'or. Depuis la découverte de mon père, une colonie de ratons venus, on ne sait d'où, a fouillé la montagne et s'est établie là. Qu'allons-nous faire à présent? Il faut agrandir cette ouverture afin de pouvoir y pénétrer. Bon, la baramine est restée avec les fourniments. Je vais aller la chercher et nous burinerons ferme. Doucement, mon bon Joey, doucement. Et sortir d'ici, à travers ce méli-mélo impossible de chambres qui se ressemblent toutes, et retrouver celle où se trouve le terrier du raton? Je crains que la chose n'aille pas toute seule. C'est juste. Nous avons tourné, viré, tâtonné à l'aventure pour arriver ici. Refaisons le chemin en sens inverse et jalonnons-le pour faciliter le retour. »